J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery numéro je ne sais plus combien, j'ai oublié de compter, je crois que c'est la 42e et c'est la dernière sur Radio Campus Montpellier pour la saison. On va faire une petite pause pour août et qu'est-ce qu'on vous a préparé. Je vous l'ai annoncé sur Facebook, on vous a préparé des petits quiz. On a élu le meilleur comics de la saison, donc sur tous les comics dont on vous a parlé, on va chacun autour de la table va vous dire celui qu'il a préféré, celui non pas celui celui qui l'a moins aimé, on a pas fait ça, mais voilà, à peu près. Donc, autour de la table, je suis avec Faye, qui est avec moi et qui m'a aidé à préparer le quiz. Oui, bonjour tout le monde. Ça va, Faye? Ouais, fatiguement, mais enfin, fatiguement. C'est pas mon... Ouais, je suis extrêmement fatiguée que je ne sais plus parler. Voilà. C'est Ségolène Royal. Tout à fait. Vous l'avez entendu, à côté d'elle, il y a Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Ça va? Vacances, bien. C'est bien? Ok, c'est bien. Et à côté, il y a un petit revenant qui devait être là la semaine dernière, mais qui nous a appelé. Il était là, il nous a appelé en plein milieu de l'émission. J'étais là, oui. C'est Thomas. Ça va, Thomas? Ça va, ça va. Je suis désolé pour les autres. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a des nouvelles vidéos sur le Geek Chic? Ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Et je rigole pas en plus. C'est du sérieux. Là. C'est du très sérieux. C'est de la okay. grosse annonce là. C'est du gros teasing. Tu nous en parleras après. À côté de toi, il y a je vais choisir un pseudo ou un nom. On va dire Arros cette fois-ci. Donc, Arros de Geek en série. Salut Arros. Salut, ça va? Ça va, ça va. Je dors ici, je suis là toutes les émissions maintenant, c'est pas trop bien pourquoi. Mais... Ah, mais c'est toi qui m'as proposé, c'est lui qui m'a proposé de rejoindre l'équipe. Donc, ah, oui. Non, c'est toi qui m'as proposé, j'ai gentiment accepté parce que voilà, je suis comme ça. Okay. À côté de toi, il y a Romain. Salut Romain. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Toujours pas en vacances toi? Non, tu. Non. Toujours. Ok. On va commencer dessus. Il y a, on va le dire, elle a pas de micro, mais il y a Jessica avec nous. Merci notre public. Voilà, bon, voilà. Tu peux taper dans les mains, si tu veux. On va faire, on va une commencer. Une DS est parmi nous. On a dit qu'on commençait par l'espèce de review de toutes les. J'ai fait noter par les gens les trois comics préférés qu'on a fait pendant toute l'émission. Donc le compte c'était si vous nommez le comics premier, vous avez 3 points. Si vous nommez le comics deuxième, il y en a 2 points et troisième, il a 1 point. Et en fait, il y a eu un point pour The Wiccan and the Divine et c'est Faye qui lui a donné. Oh, ça va, déjà les gens ne sont pas d'accord autour de la table. Déjà que cette émission, je trouvais qu'elle avait été très sexiste et je n'étais pas là, donc j'ai pas pu défendre le titre. Alors pour les gens qui voudraient l'écouter, c'est la 21, donc c'est l'émission 21 sur The Wiccan and the Divine de Karen Gillan et Jamie McElvey. Parce qu'on a dit que c'était girly. Ouais, genre c'est parce qu'il y a des filles qui. Alors, c'est vrai que je suis une fille, j'ai aimé ce titre, mais c'est pas. C'est j'ai aimé pour l'ambiance, en fait je trouvais qu'il y avait un côté très années 80, moi je trouvais dans les dessins, ça m'a rappelé un peu Jem et les hologrammes que je regardais quand j'étais petite, et je trouvais que ce comics finalement c'était un meilleur Jem et les hologrammes que le film qu'ils ont fait, et puis j'avais bien aimé sûrement cette histoire de, voilà quoi, de soit des divinités, enfin, je sais plus ce que c'était exactement, ils avaient des pouvoirs, enfin des trucs... C'est des dieux qui reviennent... Ouais, des dieux, voilà, je trouvais ça sympa. Qui viennent dans des corps d'adolescents et qui meurent un an après, un truc oui, comme voilà. ça. Enfin bon, je trouvais le concept sympa. Après, c'est sûr que voilà, il y a d'autres comics qui sont voilà meilleurs, mais dans ce que j'ai eu l'occasion de lire, c'est quelque chose qui m'a diverti, qui m'a passé un bon moment et j'ai beaucoup aimé l'esthétique, voilà. Il y avait un côté un peu David Bowie aussi dans certains persos. J'ai vu que vous avez fait pas mal de ressemblances avec des gens qui font de la musique actuellement. Ouais, il y a des dieux qui ressemblaient à des... Et moi, je trouvais plus que c'était plus vraiment rétro, quoi. Vraiment très années 80. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ce côté-là. Le dessin de Jimmy McElvey était très, très années 80, avec des couleurs très flashy. Donc, ouais. Ok. On va passer à un deuxième comics. Et c'est Tokyo Ghost qui a eu 2 points. Et c'est Thomas qui lui a donné 2 points, donc vas-y, dis-nous pourquoi tu lui as donné 2 points. Je te dis maintenant pourquoi j'ai aimé Tokyo Ghost. Bah déjà parce qu'il y a Shane Murphy au dessin et c'est le meilleur dessinateur, je pense, du monde. Oui, il y en a, ils disent Jim Lee, mais bon, Shane Murphy, c'est lui qui a le plus gros style, je pense. Et c'était surtout pour l'univers aussi, qu'on n'avait jamais vu auparavant, un truc très original. et les personnages aussi qui étaient très badass. Enfin voilà, il y a tout de bon pour venir dans ce titre, avec Rick Remender au scénario qui fait des tailles de bons trucs en indé, dont Deadly Class. Ça taille quand je l'ai pas fait en thread ou quoi. Et, et du coup, Deadly Class devrait être dans ce top aussi normalement. Mais voilà. Mais on l'a pas fait encore, donc. Ce serait cool de le faire, ça serait stylé. Bah, en tout cas, rentrée, peut-être. En tout cas, Tokyo Ghost c'était un putain de titre et de super dessins. Donc voilà. Ok. Et si vous voulez la réécouter, c'était l'émission 28. Donc voilà, c'était l'émission 28 sur Tokyo Ghost. On passe à Detective Comics qui a eu 3 points. Et c'est Mathieu et Romain qui lui ont tous les deux donné. Je crois que Romain lui a donné la deuxième position, ouais. Et Mathieu l'a donné à la dernière. Donc bah, comme tu lui as donné la deuxième, vas-y, tu peux si tu ouais, veux. Ouais, bah c'est Batman, j'ai besoin d'en rajouter. Vas-y, essaie de. Je vais essayer Batman de développer aussi, bon. Alors. Ouais, il y a Batwoman, enfin c'est la Bat Family. En plus, c'est l'équipe créative qui avait fait du super boulot sur Nightwing et sur plein d'autres titres de détective. Ouais, c'est James Tynion IV et Eddie Barrows. Eddie Barrows, et qui avait fait du super boulot sur d'autres titres de la Bat Family. Et voilà, c'était une histoire qui faisait bien le boulot. Qui faisait bien le taf, un truc. Voilà, c'était conforme à ce qu'on attendait d'un Batman et c'était plaisant à lire. Je crois que Thomas, tu l'as lu, non? Et t'étais pas là? Ouais, je le suis en mensuel, du coup j'ai pas lu en entier. J'ai lu les deux premiers numéros, du coup, et j'ai beaucoup aimé. Mais James Tynion IV, on avait aussi parlé sur Batman et Tortue Ninja. Ouais. C'est et vrai. Franchement, c'est un auteur, je pense qu'il a pas mal percé, parce que entre Detective Comics et Batman et Tortue, franchement, il a fait que des bons titres pour l'instant. Il a fait du Batwoman aussi, non, Tynion IV? Il me semble. Je crois. Ok. Ouais, il me semble que je l'avais vu. Et c'était l'émission 39, donc ça fait pas trop longtemps qu'on l'a fait, donc vous pouvez aller la raconter. C'est un plutôt bon choix dans du mainstream. Je crois que c'est le seul titre mainstream qu'il y a dans le lot. Ouais. Ah non, non, il y a The Vision aussi. Okay. Donc moi, je vous ai... Paper Girl a eu 4, je lui ai donné 2, je crois, et Juni pareil. Donc Paper Girl, c'est la nouvelle série de Brian K. Vaughan et de son ami Cliff Chiang. C'est une histoire de filles qui livrent les journaux le matin, qui se retrouvent confrontées à des histoires de voyage dans le temps et tout. Et c'est vraiment un titre que j'ai vraiment vraiment vraiment apprécié, moi. C'est un titre qu'on a fait tôt, je crois. C'est le numéro 3. Mais c'est peut-être un titre que j'aimerais bien revenir peut-être en vidéo. Parce que c'est un titre qui m'a vraiment marqué. Même le volume 2 est vraiment cool. On fera un featuring, James. Ah, si tu veux. Mais je crois que j'ai déjà proposé un featuring avec Zoé de. Je sais plus comment elle s'appelle, cette chaîne de YouTube. Enfin bon, elle se reconnaîtra. Je trouve que le deuxième tome, il était quand même moins bon. Ah non, moi j'ai vraiment kiffé. Il y a beaucoup d'invraisemblances. Tu sais qu'elle a lu le tome 2 autour de la table. J'ai toujours pas lu, mais ça a l'air stylé en tout cas, la couverture. Mais les dessins Cliff Chiang sont vraiment très très beaux. Ouais. J'ai lu Wonder Woman aussi dernièrement et c'est super beau. C'est Cliff Chiang. Ah oui, c'est vrai, ouais, qu'il y avait Cliff Chiang. Avec Brian Azzarello. C'est vrai. Et bah, Cliff Chiang est vraiment. C'est un mec qui était éditeur avant et c'est cool qu'il soit passé en dessinateur parce que c'est vraiment un bon dessinateur. Il s'est bien dessiné les filles en tout cas. Ouais, effectivement. Et en plus, Kevogan. Enfin, c'est le mec qui gagne toutes les années des Eisner Awards, donc c'est pas pour rien si on en parle autant. Donc voilà, c'était un titre que je vous conseille vraiment beaucoup, qui est vraiment cool. Après, on avait nommé en fait ex-aequo, The Vision et Paper Girl sont ex-aequo parce qu'il y a eu 4 points aussi et c'était les mêmes personnes. C'est moi, je crois que je l'ai mis, je sais plus combien je l'ai. Je crois que Juni l'a mis premier. Du coup, ça fait 3 points et moi je l'ai mis en dernier. Donc, Vision. Juni n'est pas là pour nous en parler, mais c'est Mathieu qui était là pendant l'émission sur The Vision. Est-ce que j'ai pas voté pour la Vision. Donc, merci Juni, si tu nous écoutes. Donc, la Vision, c'est le personnage qu'on peut voir dans le gros Avengers Age of Ultron, je crois, au cinéma. Mmh. L'espèce d'androïde construit par Stark. Et là, en l'occurrence, il essaie juste de retrouver une vie normale avec une famille, ce qui est bien sûr très difficile parce que ça ressemble à un androïde, qu'ils agissent comme des androïdes, qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, et ils ont énormément de mal à se mettre dans la vie de Desperate Housewives dans ces banlieues un peu chicos américaines. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien écrit, c'était assez frais, c'était à la limite entre le super-héros et presque du comics indépendant. C'est peut-être d'ailleurs ce que fait très très bien Marvel et DC ces derniers temps. Moi, les titres qui me régalent justement, c'est ce genre de titres. Je me souviens plus que c'est le scénariste du coup. C'est, alors je vais noter, c'est Tom King. Tom King, voilà, qui est sur Batman en ce moment. Batman, ouais. Et c'est Gabriel Walta qui est au dessin. Qui a un trait vraiment réaliste, c'est vraiment à découvrir, ouais. c'est assez spécial. C'est dans l'univers Marvel, mais c'est du comics indépendant. Je crois que ça a été un coup de cœur de tout le monde autour de la. Oui, moi j'étais vraiment agréablement surpris. Je sais pas qui c'est qui l'a lu autour de la table à part deux. Non, Thomas, tu devrais le lire, je pense que ça te plairait, c'est un peu dans ton délire. Ouais, non, mais ça me disait bien. Enfin, la critique était super bonne, donc c'est sûr que je vais le lire, mais ouais, c'est sûr. Je vais pas tout acheter, voilà. Ouais, je vais me l'acheter, ouais, c'est obligé. Donc voilà, un très très très bon titre. Moi, c'est vrai, ça fait vraiment partie de ce que j'ai lu de mieux cette année. Et on va passer au top 3. Et on va commencer par le premier qui a eu 6 points. Et c'est Planetary. Et c'est Faye et Mathieu qui l'ont mis dans le. Je sais plus lequel. Moi, je l'ai eu en premier. Et bah pareil, ok. Mmh. C'est pour ça qu'il a 6 points. Bah, Faye, tu veux nous en parler? Pourquoi tu l'as mis premier? Parce que j'ai adoré l'histoire de base, c'est super bien écrit. À chaque épisode, on a une histoire différente. Et on change d'ambiance à chaque fois. On va avoir des histoires de fantômes, des histoires de voyage dans le temps, des histoires d'extraterrestres. Enfin, c'est vachement bien le principe de base. Donc justement, toute cette équipe qui mène une enquête. Et ça m'a rappelé beaucoup un peu l'ambiance qu'il y avait sur la série French, par exemple. Mmh. Avec voilà, plein d'histoires qui se greffent au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est celle que c'est écrit par Warren Ellis, pour les gens qui ne sauraient pas. Et c'est dessiné par Joe Quesada. Ouais. Qui fait du super travail sur Planetary. Est-ce que Mathieu, t'as envie de parler petite fait du titre? Non, mais effectivement, tout le côté ultra mystérieux, comme disait Faye, ouais, j'ai très bien la même conclusion. Ça rappelait un peu Fringe dans le sens où tu as le monde normal, on va dire, et il se passe un paquet de trucs en dessous ou au-dessus. Tu as des attaques de démons, des attaques d'aliens, mais le Pékin normal n'est pas au courant. Et c'était cette équipe de Planetary qui est très très mystérieuse qui mène l'enquête. Et vraiment, chaque fois que tu découvres un truc sur cette équipe ou sur son environnement, t'as trois questions supplémentaires qui arrive derrière. Warren Ellis, il a une narration qui est à la fois fluide mais ultra ultra mystérieuse. Et puis quand on connaît un peu le monde des super-héros, c'est gavé de clins d'œil très très très malin. Mmh. Et ça, c'est vraiment un pendant super intéressant aux Avengers classiques ou n'importe quel groupe de super-héros classique. C'était vraiment c'est pas difficile à appréhender, contrairement peut-être à Vision, un peu plus mainstream. Ouais. Mais pour le coup, c'est vraiment dense, c'est vraiment bien. C'est sorti chez qui aux US? C'était Wildstorm, il me semble. Je sais pas. Image. Ils ont fusionné, ils ont défusionné, je sais plus où ils en sont. Okay. Mais moi je trouve que pour des gens qui veulent se mettre aux comics, moi je trouve que c'est accessible parce que il y a un esprit série télé justement avec chaque épisode un peu le Freak of the Week. Et du coup, je trouve ça intéressant. Au début, oui, après ça part sur le fil rouge, c'est quand même un peu plus dense. Sur le fil rouge, mais Si on s'y plonge dedans, par contre, ouais, c'est typique le machin que tu vas lire en une semaine. Hein. Ouais. Si t'en lis un par mois, ça va être compliqué quoi. Mais une fois que t'es dedans, ouais, tu peux pas. Ah oui, il faut bien se souvenir de l'histoire. Ouais, c'est quand même, c'est bien référencé. Ouais. Par contre, une fois que t'as mis les pattes dedans, c'est fini, tu te fais choper. Bon, il y a pas 500 numéros, mais t'es obligé de tout faire. Ok. Ouais, c'est addictif. Et d'ailleurs, je tenais à dire que dans Geek en série, on a parlé de French. Donc comme ça, si vous voulez comparer, vous pouvez écouter. Comment elle se fait sa pub. Et c'est approuvé par Aros qui sourit diaboliquement. Donc le deuxième, c'était The Goddamned, qui a été nommé par Thomas, Mathieu et Romain. Et c'est Thomas qui voulait en parler vite fait, puis Romain pour Romain, tu comprendras aussi, tu compléteras. Enfin, moi j'avais beaucoup aimé ce titre, surtout pour l'ambiance. Enfin, c'était Jason Aaron au scénario. Ouais. Au dessin, je sais plus qui c'était. C'est RM Guérin. Ouais, il avait fait un super bon boulot, il avait fait un putain d'univers vraiment. C'est le même équipe créative que Sculpt. Qui est tout aussi bien. Ouais, c'est vraiment un univers assez gore. Ça se passe au début de l'ère de l'humanité avec Khan, le fils d'Adam et Ève, oui. Voilà. Et du coup, ouais, c'était super intéressant. L'histoire était plutôt stylée, mais c'était surtout l'univers tout autour assez gore avec plein de personnages qui ont la lèpre. Enfin, c'était assez dégueulasse. C'était lourd à lire, mais c'était une expérience. C'est une réécriture des écrits bibliques en fait. Ouais, les personnages sont super bien amenés. On devine pas tout de suite qui est qui au niveau biblique, mais c'est super et l'ambiance de fin du monde est vraiment vraiment réussie. Le début du monde, du coup. C'est la même chose. C'est le début d'un monde et la fin d'un autre, quoi. C'était vachement vachement gore par moment, vachement. L'ambiance est géniale. Ouais, moi aussi j'ai vraiment kiffé. Déjà, j'aime beaucoup l'équipe créative. Sculpt, c'est vraiment fou. Et là, vraiment, ce côté biblique est vraiment très bien amené. Ça apporte vraiment des thématiques vachement intéressantes. Et je pense qu'il est pas loin. Il est dans mon top 5 ou en 5 ou 4ème. Mathieu, tu t'arrêtes. Tu acquiesces depuis tout à l'heure? Oui, ouais, moi je l'avais mis 4ème si jamais t'en avais demandé 4. Et du coup, non, mais je rejoins ce qu'ont dit les collègues, ouais, c'est ça l'ambiance. Et, alors, du coup, c'est ambiance fin du monde parce que le déluge va arriver pour raser toute cette merde. Et effectivement, c'est ça, c'est que de la merde de partout. L'humanité, c'est quasiment des animaux, ils chient sur les murs, c'est horrible. Il y a une image de nous qui est catastrophique. Au mieux, t'as ce pauvre Cain qui peut pas mourir. et qui erre comme une âme sans peine. Et puis ouais, ils reprennent pas mal de personnages bibliques sans que ça soit relou, sans qu'il y ait de messages pseudo-religieux, quoi. C'est juste une espèce de Mad Max avant le... Le Noé est incomparable au Noé qu'on connaît dans les histoires. Ouais, Noé, c'est un gros salopard. Et ouais, il y a vraiment un gros travail de, ouais, d'ambiance, encore une fois, qui est vraiment oppressante. C'est super malsain, mais c'est vraiment béton. Je suis vraiment super vite. Hein, ouais, je suis vraiment curieux de lire le deuxième volume parce que je sais pas trop ce qu'il va faire après. Après, moi, je pense que c'est pas non plus le titre le plus accessible parmi le top. Ah oui. Parce que je pense que pour les débutants, commencer par un truc aussi lourd, je pense que c'est vraiment pour ceux qui ont l'habitude de lire du comics et qui ont envie de faire un peu. Je vois dans le top, on a des très très indé, mais entre Planetary et Planetary qui est très indé. Ouais, je pense que c'est accessible encore Planetary, non? Je sais pas. Ouais, un peu plus que The God Named. Et le dernier, c'est comme c'est Mathieu qui avait la parole, il va peut-être enchaîner. C'est 100 Bullets de Brian Azzarello et Eduardo Risso, qui est très bien dessiné, contrairement à ce que m'a dit ce matin Mathieu, Romain, excusez-moi. Risso, non, j'ai pas dit que c'était mal dessiné. Ouh. J'ai dit que c'était pas abordable pour tout le monde. Quelqu'un qui va feuilleter un comics, c'est pas le comics qui va ramener à la maison celui qui connaît pas le comics. Ouais, c'est pas. C'est il va pas... partir avec du Jim Lee ou oui, il ou va du partir. Todd McFarlane, ouais. Voilà, il va partir avec du Capullo, mais il va pas partir. C'est pas avec un Red Bullet. Non, c'est très, ouais, c'est très noir, c'est très joue sur les ombres, sur la lumière, c'est dark, quoi, c'est le style noir, quoi, avec un grand antenne, quoi, c'est vraiment bien. Sombre. Ouais. Après, le seul petit reproche que j'ai sur la série, c'est une série fleuve, elle doit faire peut-être 10 ou 12 volumes, ce qui est pas mal. C'est un tout petit peu redondant, mais après, encore une fois qu'il déroule son histoire, c'est un peu comme Planetary, ça commence un peu avec des épisodes assez séparés les uns des autres. Donc ouais, c'est l'histoire d'un gars complètement mystérieux qui file une valise avec une arme et sans bastos, sans balles à l'intérieur, totalement intraçable. Il dit à la personne, ben voilà, si tu les utilises, jamais personne ne pourra te poursuivre, tu peux faire ce que tu veux. Et bien sûr, il donne ça à des gens qui sont au bord de Raline, qui sont au bord de la falaise, qui ont subi des atrocités. Et ça part de là, et petit à petit, il y a tout un fil rouge qui se déroule, où cette personne-là, ce mystérieux agent Graves, en fait est en guerre secrète contre une espèce de consortium ultra puissant. Et ça joue vraiment sur le mystère là aussi, où tu as des personnages qui apparaissent. Pour l'instant, bah, ils apparaissent, tu penses qu'ils vont disparaître, puis ils reviennent deux volumes après, parce qu'en fait, tu réalises que c'était lié à lui, tac, tac, tac. Et petit à petit, tu as toute une toile ouais, une tapisserie qui se met en place vers un final vraiment, vraiment sombre. Et c'est bien, bien violent, il y a de belles brochettes de salopards, ils en prennent bien plein la mouille, c'est souvent jouissif. C'est vraiment bien. Je sais pas ce qu'ils attendent pour faire une série télé, parce qu'ils font une série télé avec n'importe quoi. C'est dans les cartons, j'imagine. C'est vrai que ça serait bien. Hein. Ouais, la narration s'y prête bien. Ouais. Bah, ça va venir. Moi, je l'avais mis en premier, parce que vraiment, c'est vraiment une claque. Mmh. C'est ma claque de cette année, vraiment. Moi, le comics. En deuxième, je crois. Ouais, je crois, ouais. Et vraiment, c'est vraiment génial. On rentre dans un univers avec le dessin de Risso qui est vraiment tellement classe, tellement, qui, comme tu disais, qui joue très sur les ombres et sur le noir et blanc. Enfin, c'est vraiment super beau. C'est très stylé, hein, vraiment. Ouais. C'est dans un style particulier. C'est vrai que c'est pas, ouais, c'est pas, pat, pas un... panache comics. Comme on mais toi qui aimes beaucoup le thriller, c'est vraiment totalement dans cet univers-là un peu sombre, un peu noir. C'est pour ça que je l'ai mis dedans, mais moi ça reste des vieux souvenirs. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Est-ce que on t'a donné envie de le relire ou... Ouais. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment il y a une vraie mise en scène. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être filmé. Justement, le jeu des couleurs, c'est pas mis par hasard, ça sert à quelque chose. La façon dont les cases sont disposées et tout, ça apporte aussi quelque chose. Vraiment, c'est... Il y a un petit côté SimCity. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, si jamais tu fais un comparatif comics-série télé ou film, ouais, SimCity, ça pourrait être... Ils vont faire une série télé d'ailleurs, a priori, qui fait très peur pour l'instant. Mais et ça pourrait, ouais, il y aurait moyen de trouver des trouvailles visuelles qui fait que ça ferait un bon petit truc. C'est du SimCity, mais en plus SimCity, en plus subtil, je trouve. Oui, ouais, en moins cradingue. En moins Frank Miller, quoi. Oui, ouais. Vraiment extrême. Donc voilà, on vous conseille tous ces titres, vraiment. Peut-être moins The Wicked and the Divine. Non, je rigole. Ah, c'est ton avis. Moi, c'est juste parce que ça m'a donné un côté nostalgique. En vrai, il y en a plein qui l'ont aimé. C'était particulièrement nous qui n'avons pas trop apprécié. Ouais, c'est vrai qu'autour de la table, on n'avait pas trop. On n'avait pas trop apprécié, mais après, la critique était vraiment bonne. Donc ça m'a étonné parce que moi, je m'attendais vraiment à l'aimer. Et pas tant que ça, finalement. Peut-être qu'il y a un côté nostalgique, que ça parlait aux gens qui avaient ce côté de Jamel Lesogram, vraiment les années 80. Qui... Ah, mais moi, je trouve que c'est vraiment très années 80. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah bah tiens, je me revois dans ma jeunesse et tout. Et puis, je trouvais ça sympathique, quoi. Franchement, c'était pour le truc divertissant. Après, je sais que dans les titres que j'ai lus, il y a beaucoup de titres où je me suis fait chier. Donc. Avoir un titre un peu rafraîchissant comme ça, c'était cool. Ok, bon, on va passer à la première pause musicale. Je vais choisir un truc. Je me dis, je vais faire plaisir à Mathieu. On va mettre du Rage Against the Machine, Renegade of Fuck. Et après, on va faire un petit quiz comics et ciné, voilà. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. C'était Rage Against the Machine avec Renegade of Funk et on va partir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, excusez-moi. Je me mets au point avec mon assistante de comptage de points parce que voilà, c'est un huissier de justice. Et on va faire un petit quiz comics pour fêter cette fin de saison sur Comics Discovery. Alors, on va commencer. Déjà, on a deux équipes parce que comme on n'a pas assez de micros, on s'est dit on va faire deux équipes, ce sera plus simple. La première équipe, est-ce que vous avez un nom ? d'équipe. Les gagnants. D'accord. Très sobre, on va faire sobre. Nous, c'est les autres. D'accord. Donc, les gagnants avec Romain. Ouais, pas à chaque fois, je vais taper Mathieu. C'est relou. Si tu marques des points, oui. Sinon, non. Alors, Romain, Vincent, et à côté, vous avez Thomas, Mathieu. The Old. Et Vincent. Les autres. Donc, on va commencer avec un quiz que j'ai appelé les apparitions. Alors, vous allez me donner. Je vais vous donner un personnage, il va falloir me le dire dans quel issue il est apparu. Je vais vous donner un exemple, puisque je l'ai grillé tout à l'heure. Non, mais tu m'énerves. Putain, je l'avais en plus. Non, si je vous dis Batman, il faut me dire Detective Comics. Et c'est le numéro 27. Si vous arrivez à avoir le numéro 27, vous avez un point en plus. Et oui. Si vous avez le truc, c'est Detective Comics. On va commencer avec Mathieu. Attends, avec... c'est pas très clair pour les points. Alors, s'ils ont l'issue. S'ils trouvent donc le. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas le mot issue, c'est-à-dire le titre. Le magazine. S'ils ont le nom du magazine. Voilà, il y a un point. Et s'ils ont le numéro. Il y a un point de plus. Il y a un point de plus. Alors, du coup, c'est pas par rapidité, genre tu distribues non. le. Non, finalement, il a décidé que c'était par. Ou sinon, on fait par rapidité pour la pro. Oui, parce que l'émission ne faisant pas 4 heures. Oui, effectivement. Celle-là, on va faire par rapidité. Et on va. Oula. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Alors, Spider-Man. Amazing. Et ils ont pas levé. C'était cette équipe-là qu'elle vend en premier. Ah, il faut lever la main. Ok, vous avez pas. Je suis le juge. Bon, vas-y. The Amazing Spider-Man. Non. Amazing Fantasy, non? Ouais. Ah, quel numéro? Je sais pas 12. Quel numéro. C'était le 15. Donc, premier numéro, premier point pour les autres. Alors, attention. Je pense que je me trouve. Le deuxième est plus dur. Al Jordan. Dans Detective Comics. Il faut lever la main, putain! Detective Comics. Non. Detective Comics. Non. Oh, il a pas levé la main, je vais prendre sa réponse. Oui. Action Comics. Non. Justice League. Non. Justice League of America. Non. Green Lantern. Ça a rien. C'est pas du tout non, un nom de héros. Ça a rien à voir. Green Arrow. Non. Bon bah vous l'aurez merde. Pas. C'était Showcase. Ah. Numéro 22, ouais. Choca. On prend pour des pros là. Choca. Alors attention, celui-là est très simple. Captain America. C'était là. Hein. Ah bon bah. Moi j'ai vu Vincent. Vas-y. Enfin, c'est Captain America. Oui, mais. Numéro 1. Non, c'est pas ça. Merde. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Oh, quand même, excuse-moi. Oh, bah non. Moi j'aurais accepté en tant moi, que j'accepte juge. Moi j'accepte plus. Je présente mes couilles. Non, c'était vraiment très très près. Il manque un mot. En tant que juge, je trouve que c'est abusé. Marvel Comics présente. Non. Non, Captain America. C'est ça, mais il manque un mot. Il y a un derrière le First Avenger. Non. Merde. Un mot. Oh, merde. Franchement, Avengers, c'est pas gentil, monsieur. Bon, c'est elle l'arbitre. Et c'est moi, parce que c'était Captain America Comics. Comics. Et en plus, il a trouvé le 1. Je trouve que Comics, c'est bon. Il a un point. Bah non, il en a deux. Il a trouvé ouais, mais non, parce qu'il a pas trouvé le comics. Si, on a trouvé le numéro, c'est déjà pas mal. Il a un point. Moi, j'ai. Conflit d'intérêt, je suis désolé. Est-ce qu'on peut donner que les numéros maintenant? Les arbitres nous donnent des points. Alors, on peut dire que c'est dans les comics. À sermenter, moi je donne 2 points parce qu'il a dit quand même Captain America. Écoute, on a perdu. Puis c'est sérieuse. Attention, vous êtes prêts? Celle-là elle va être très rapide. Superman. Ah, j'ai vu là. Action Comics. Ça, il y a une. Numéro 1. Ouais, bon, vas-y. Ouais. Putain, mais il y a une. Regarde bien de ce côté-là. Mais je regarde aussi, je l'ai vu en premier. 1939. 38, pardon. Thor. Ah, j'ai vu là. Je sais pas en fait. Journey into Mystery. Ouais. Oh. Est-ce que tu as le numéro au cas où? Bien sûr, c'est le 36. Eh ben, non, tu as perdu. 80. Alors attention, une question un peu piège. Wolverine. Ici. Ah. Hulk. Ouais. Oui. Ouais, mais là il a pas dit. Ouais, bah là c'était tu vois, incroyable. Tu vois, je te refaisais. 180, je pense que t'avais. Est-ce que t'avais. Tu lui as même pas laissé le temps de voir s'il pouvait être. Bah oui, 180 quand même. Mec. Non, je savais pas. Bon bah. Un peu d'honnêteté, c'est bien. La dernière, Wonder Woman. Là. Action Comics. Non. Ils trouveront jamais en fait. Detective Comics. Non. C'était trop dur comme. Mais non, laissez chercher. Attends, Wonder Woman. Chose, non. Putain. Je sais pas. Je suis sûr que je l'ai dit à l'émission. Je crois qu'on l'a dit en plus, ouais, dans l'émission. Ouais. Ah, vas-y, cherche. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Est-ce qu'il y a comics dedans? Ouais. Oui, il y a comics dedans. Ce Amazing Wonder Woman Comics. Non. Il n'y a pas le nom de. Il n'y a pas de nom de héros dedans. Wonder Comics. Non. Bon, ils vont pas trouver. Bon, vas-y, donne. C'était All Star Comics 8. Putain. Oui, ouais. Alors, on va passer à un truc plus simple. Cette fois, ça va être par équipe. Je vais vous donner deux personnages. Et bah, par exemple, Batman. Parce que c'était pas par équipe là. Non, oui, non, mais ça va pas être, ça va pas être de rapidité. Ça va pas être de rapidité. Je vais poser la question à une équipe et ils vont devoir me dire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Je vais vous donner deux personnages et vous allez devoir me dire qui est à Paris en premier dans les comics entre les deux personnages. Si vous avez l'année, vous avez une année, vous avez un point en plus. Et si vous avez le magazine, un point en plus aussi. Et si, enfin, et un point pour la bonne réponse, ça n'avait pas dit. Ouais, voilà. S'ils ont Batman et Superman, je pète un câble. Ouais, voilà, on va commencer par eux. Qui c'est qui a le plus de points en fait? Alors. Donc c'est l'équipe des gagnants. On va commencer par les autres alors. Si je te dis Punisher ou Blade. Punisher est arrivé avant Blade. Attends. Blade il est là, j'irai quand même le cul. Punisher il est pas arrivé dans les. Genre si tu viens tout de suite le contraire, on est pas mal. Non, Punisher est arrivé avant. Ça se conserve. Quand arrive. Alors vas-y, donne une réponse. Mais pas Blade. Putain, je sais pas, Blade, c'est chaud. On dit Punisher ouais, Blade. Ouais, Blade en premier. Ouais. Vas-y, je te suis, je te fais le plaisir. Alors, il a raison. Ouais, ouais, ils ont. Alors, quoi est-ce que t'as l'année? Ouais. 60. Attends, Blade, c'est un chasseur de vampires. Les vampires, c'est la mode depuis 4000 ans, donc ça, c'est nul. 72. Oh putain, ah, il était pas loin. Presque. Franchement, je lui donne. Ah ouais. C'était 73. Ah. Puis, bon, allez, le Punisher points, est arrivé en 74. Ah, et est-ce que tu sais dans quel magazine? Est-ce que il tu a sais plein... dans quel Punisher? Dans quel alors, le point ultime? Astonishing Tales of Vampire Hunter. Non, c'est Tomb of Dracula. Et Punisher, dans quel. Ça, vous pouvez savoir peut-être Vous savez, c'était un méchant basique dans une autre série. Ouais, je sais pas, Spider-Man. Si, c'est ça. Est-ce qu'on lui accorde? Bah non, parce que le point c'était sur la bonne réponse. Bah non, c'est sur tu as le... Moi je disais c'est par rapport à la bonne réponse. Ah, par rapport à la bonne réponse, vous avez donné au niveau des deux. Ah bah, hardcore. Je sais pas ce qu'on s'est dit, c'est ça va trop loin. Ok, bon, ça va trop loin. C'était dans Amazing Spider-Man 129. Donc ils ont le point. Tu dis, on a un point, tu sais quoi. Alors, attention. Attention, attention. Maintenant, c'est les gagnants. Tu vois déjà, t'es mal barré. Si je vous dis Lois Lane ou Lex Luthor, qui est arrivé en premier? Lois Lane. C'est votre réponse? C'est votre. Attends. Parce que dans Smallville. Dans le premier. C'est pas juste, ils ont vu ta gueule, ils réfléchissent. Non, mais. Moi je me la joue, Jean-Pierre Foucault, est-ce que vous validez cette réponse? Est-ce que vous voulez un coup de fil à un ami? Un 50. Est-ce que le méchant ou la meuf est arrivé en premier? Attention. La femme, s'il te plaît, James. Oui. Merci beaucoup. Les premiers épisodes de Superman, c'est vraiment nul. Il fait pas des trucs incroyables, donc je dirais Lois Lane. Ouais, mais moi j'ai vu sa gueule comme on dit, et du coup j'ai envie alors, de dire Alex. Quoi non, mais on va dire Lois, mais bon. C'est votre choix, vous le validez? Ouais. Effectivement, c'était Lois. Est-ce que tu as le. L'année, tu as au pif. Non. L'année et le titre. Elle était dans le premier, Tom. Non, elle était pas dans le premier Action Comics. Il me semble que. T'es sûr de ta réponse? Il sauve une nana qui est battue par son mari dans le premier, mais il voit pas Lois Lane. Non, elle est dans le premier, elle est dans Action Comics numéro 1, qui est sorti en 38, donc tu t'es trompé. Mais j'ai pas dit que j'étais définitif sur ma réponse. J'ai pas validé avec Romain. Donc un seul point. On va passer à côté. Alors, oh putain, je pense que Thomas, tu as beaucoup de chance. On a le spécialiste des X-Men qui est avec nous. Oh. Attention. Il y en a tellement. Alors, Kitty Pryde ou Malicia? J'en sais rien, c'est une bonne question ça. C'est qui arrivé en premier? Je pense que c'est Malicia. Je pense aussi, ouais. Kitty Pryde, c'était des au Future Past. C'était pendant la période des au Future Past. Kitty Pryde est venue en bus, l'autre est venue en train. Elles sont parties toutes les deux à 13h. Okay. Bon, après, ce qui est embêtant, c'est que c'est deux filles, donc elles sont forcément en retard toutes les deux. Oh là là! Alors là, je mets. Enlève au moins 2 points. Bon, enlève-en 15. On dit Malicia? Ouais. Allez, envoie Malicia. Non, c'était Kitty Pryde. T'as pas compté le dragon. Alors, Kitty Pryde est arrivé en 80. Et attends, les séries qu'ils avaient choisi Malicia, ils peuvent se rattraper en donnant peut-être le titre dans lequel elle est apparue et l'année. Ah ouais, est-ce que tu te souviens de le titre où apparaît Malicia? Je t'ai pas né, je l'ai pas lu. Mais tu t'es né en 80. Mais merde. Ça devait être un truc bravo, genre. Bravo, James. Alors, bravo, oui, non, c'était, en 80. C'était en 80. C'était en 80 déjà, et je peux le dire. Dans quel numéro? Enfin, dans quel. Malicia, c'est pas un truc à la con, c'est pas des Avengers, un truc comme ça aussi. C'est pas forcément. c'est pas forcément un truc. Moi je lui donne, franchement, moi, si je lui donne aussi. Avenger Annual, ouais. Numéro 10, bravo. Par contre, donc, juste sors-moi les deux dates d'apparition. Alors, Kitty Pryde est arrivé dans Uncanny X-Men 129 en 80, ouais. Et Malicia est arrivé dans Avenger Annual 81. Et Lois Lane et Lex Luthor, c'est quoi la différence? Je pense qu'il y a 15 ans de différence. Non, Lois Lane c'était 38 et Lex Luthor en 40. Oh. Ouais, bon. À chaque fois ça joue à rien, t'es vraiment un. Ouais, oui, je vais aller chercher. Bon, on passe à côté. Donc l'équipe des gagnants. L'équipe des gagnants. Donc Gwen Stacy ou Karen Page. Donc Karen Page, la meuf de Daredevil. Gwen Stacy, la meuf de Spider-Man. La femme, le love interest. Le love interest. Un peu de respect. On pas marié. Alors. Spider-Man, du coup, c'était 62. Et Gwen Stacy, elle était là dès le début, non? Non, il me semble pas. Mais non, il me semble pas non plus. Daredevil, il arrivait quand même. Gwen Stacy, c'est 95, hein, 96. Ouais, ouais. Voilà, j'en sais rien, je les ai pas vus. Hein. Moi, j'ai vu les The Amazing Spider-Man, qui sont de très bons films, Thomas Suy. Ah, ça y est. Alors, on enlève moins 50. Vas-y, je te laisse te tromper. Ah, je sais pas quand il y a parlé. Je te laisse te tromper. Allez, vas-y, Vincent. Ben, Aros. Bon, ouais, vas-y, moi. J'aurais dit Gwen. Gwen? Ouais. Okay. Non, parce que la nana dans Daredevil, c'est un des persos principaux. Je sais pas si elle est pas arrivée dès le début des aventures Daredevil pour le coup. Que de concentration. Bon, on va dire Gwen Stacy. Merde. Et c'était Karen Page, tu as raison. Karen Page est arrivée dans Daredevil numéro 1 en 59. Non, en 63. En 63. Et du coup, Gwen Stacy, ce que vous savez dans quel titre Non, c'était le premier Daredevil en fait. Elle est arrivée directement. Amazing Spider-Man. Ouais, alors ils ont un point passé sur le titre. Et est-ce que vous savez l'année? L'année, ouais. L'année, ça va être plus compliqué. 80. Combien de Mathieu? 95. Non, 65. Non, mais c'est. Ouais, mais j'ai vu quand même. Spider-Man, ces années 60. Okay. C'est simple, c'est toujours deux ans de ouais, c'est vrai. Alors, attention, pour les autres, donc Aqualad, donc le sidekick d'Aquaman, ou Kid Flash. C'est qui? Alors Kid Flash, le sidekick de Flash, et Aqualad, le sidekick. Non, mais des vrais super-héros, on avait dit. Aqualad, il était dans Teen Titans. Super. Bah, tu te débrouilles. Kid Flash aussi, Kid Flash aussi, il est dans Teen Titans. C'est deux personnages des Teen Titans. C'est pas la mascotte d'Aqualand? Aqualad, c'est il est vachement vieux. Le seul que je connais un peu, c'est Kid Flash, mais c'est juste grâce à DC Rebirth. Et je me rappelle même plus quand il est apparu en vrai. Bon, bah, choisissez au hasard. Une chance sur deux. Mais Kid Flash, je suis. Et en plus, c'est qui le plus vieux entre Aquaman et Flash? C'est Aquaman. Parce que le Barry Allen, il est arrivé qu'après. Et c'est après Barry Allen qu'il est arrivé Kid Flash. Du coup, je dirais que Aqualad est arrivé en premier et que Kid Flash est arrivé après. Dernier mot. Et non, c'est quoi? Flash, je me bats les couilles là. J'ai eu un raisonnement logique en plus. Bah, je le savais en plus. Alors du coup, ils avaient choisi. Ils sont choisi Aqualad et okay. C'est Kid Flash qui est arrivé en premier. Dans quelle année est arrivé Aqualad et dans quel titre? Ça peut vous rapporter. Vous trouverez jamais. Vous trouverez jamais. Enfin, à l'arrêt peut-être, mais. On trouvera jamais. Nous, je comprends. Non, c'est Amazing Spider-Man. Est-ce que vous avez une idée? Aqualad and the Boys Band 6. Non, c'était Adventure Comics. Bon, j'étais pas loin. 269, qui est arrivé en 60. Et Kid Flash est arrivé en 59. Et ta théorie est. James, ce qu'on va faire, c'est que tu leur mets une question compliquée avec des noms de super-héros qu'on connaît pas là. Ils ont une question plus compliquée. Parce que Gwen Stacy, s'il te plaît. Si je vous dis Martian Manhunter ou Hal Jordan. Même moi, je le sais. Je sais pas. Il y a ou Hal Jordan. Hal Jordan ou Martian Manhunter? Attends. Hal Jordan, c'est pas le premier Green Lantern, non? Non. Et je pense que tu donnes des indices comme ça, réponds pas à ces questions. Non, c'était pas une question, c'est non, mais il est trop gentil, James, qui donne des réponses. Du coup, peut-être que Martian Manhunter est arrivé en premier parce que je crois dans la JLA, je dirais. Faut bien parler dans le micro. Je dirais dans la JLA et ouais, je dirais Martian Manhunter. Ouais. Vous validez? Oui. James, c'est vrai, ah. C'est des Martian Manhunter. Dans quel issue on l'a retrouvé? Alors c'est et dans quelle année? Et en quelle année? Justice League, je dirais Justice League of America ou Justice League classique ou. Ne me regardez pas moi, j'ai la réponse. Mais... Allez, Justice League of America. Non, c'était dans Detective Comics. Perdu. Et l'année? Numéro 1. Et l'année? Et est-ce que vous pouvez trouver celui de l'issue de Hal Jordan que j'ai dit tout à l'heure? Pourquoi c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. Non mais là ça compte pas du coup. Ah ouais, non mais là ça compte, ah, ça compte pas. Pas. Oui, non mais est-ce que vous pour 100 points, est-ce que vous vous souvenez? Ah oh, bon, on s'en fout. Oui, on s'en souvient. C'était non, OK. Merci. Okay. Tu veux que je donne la réponse? Merci. Bah, vas-y. Alors Martin Manhunter, il apparaît en 55 et le petit Al Jordan, c'était dans Showcase numéro 22 et en donc 57. Ah. Non, 59. Ouais. Allez, on va passer à côté. Dernière question. Je vous dis Mr Freeze ou le bouffon vert? Mr Freeze. Ce n'est pas la glace. Hein. Si, c'est pas la glace, c'est le méchant de Batman. Non, Mr Freeze est arrivé en premier. Avec Batman. Attends, bon, vas-y, aide-moi parce que Spider-Man est arrivé en vers 60. Attends, c'est Aqua qui déjà? Je vous lis. Mr Freeze et le bouffon vert. Bouffon vert. C'est... Je précise bien, attention parce que c'est important. Oui. Mr Freeze. Et l'autre, t'as dit le bouffon vert. Ouais. Harry Osborn. Non, non, le bouffon vert. Oui, bah, du coup, c'est Harry Osborn. Enfin, Norman. Non, Norman Osborn. Mr Freeze, il a sa combinaison tout kitsch et tout à la base dans les Batman Detective Comics. Et je sais pas, peut-être c'est dans la période très kitsch de Batman où il portait plein de couleurs. Mais les dessins étaient quand même assez old school, alors que les premiers dessins du bouffon vert, ils étaient moins. C'était bon, truc en mode. Allez-y, ouais, ça va durer 30 ans sinon. Mr Freeze et bouffon vert. Ouais, alors qui? Mister bouffon vert. Mister Freeze, oui, Mister Freeze est arrivé en premier, après bouffon vert. Et non, c'est le bouffon vert. En fait, c'est Mr Freeze, mais le Mr Freeze a changé nom au début. Mais ferme, il s'appelait Mister Zero. Allez, bien. Bon, félicitations, vous avez gagné. De toute façon, c'est la République en marche ici. Alors, est-ce que vous pouvez trouver le nom du magazine et l'année? Déjà, il n'y a aucun respect, je tiens à le dire. Je respecte pas le game. Les questions étaient dures. Non, non, parce que moi, tu vois, je cherche un minimum. Je fais pas au pif, je trouve des arguments. Encore gagner des points en trouvant dans quel magazine c'était et en quelle année. Mr Freeze. Science et Vie Junior. Je boycotte cette émission. Bon, Mr Freeze est dans Detective Comics, je pense. Ouais, bravo. Donc ils ont un point. Et bouffon vert dans The Amazing Spider-Man. Ouais. Oui, ouais, et l'année d'apparition de Mr Freeze Attention, vous avez moins 4 points si vous rappelez. Alors, on va. on va aller vite hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Allez, 64. Non, c'est 68. 68. Et du coup, Gwen Stacy, c'était en. 65. Donc c'est eux qui ont un point, c'est ça? Ouais, ils ont juste un point. Ça fait 7. Non, il y a un petit problème. Tiens, pour ça là. C'est eux qui ont commencé, donc on a encore des gagnants en marche. Tout peut changer. Tout peut changer avec les questions. On va passer aux questions ciné. Attends, il nous manque une. On a une question en moins. Eh oui, c'est vrai. Eh ben, vous êtes les premiers à répondre à la question ciné, qui sont à 2 points. Tu m'as dit 2 points. Ouais, 2 points avec un petit bonus de 1 point pour la première. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Les questions ciné, on peut pas les faire à rapidité. Allez. Non, parce que celles-là, ça va être dur de. Bon, allez, c'est rigolo. Allez, tout le monde c'est veut. C'est rigolo. Allez, je les pose. Non, si tu veux. Non, moi j'ai pas envie. Non. Tu veux que je les pose, James? On est contre. Non, j'ai envie de le faire. Oh. Alors, non, mais c'est rapidité ou pas du coup? Ouais, on va faire rapidité parce qu'on a plus beaucoup de temps. Mais lentement. Attention. Alors, combien d'acteurs ont joué au cinéma? Je précise au cinéma. Cinéma. Le rôle de Batman. C'était moi. C'était... J'ai pas. Qui nous dit le. C'est. Vas-y. Moi je suis pas. Ouais. T'as bon bah c'est Thomas alors. Alors, il y a eu le premier en noir et blanc. Non, Adam mais là, West. Dis-nous pour l'instant le nombre. Le nombre, vas-y donne-nous pour l'instant le nombre. Attends, 2 secondes, j'ai le droit de compter quand même. Oui. Au cinéma t'as dit cinéma. Au cinéma. Ouais ouais. Est-ce que le film d'Adam West est passé au cinéma? Bon, putain, mais moi je les ai pas comptés en fait. Keaton, Bale, George Clooney, l'autre là, 5, Ben Affleck, 6. Et ouais, bah du coup, est-ce qu'on compte Adam West ou pas? Alors oui, Adam West, tu peux. Alors on n'est pas pour. Mais il y a une pièce, il y a une question. Il y a une question. La réponse c'est quoi alors? 7. Tu dis 7? Je vais même pas recompter, mais allez ouais 7. Ouais. C'était 7. C'était 7. Mais est-ce que tu peux donner nommer, tous les noms? Ouais. Tous les noms, t'as un point en plus si t'arrives à nommer tout le monde. Est-ce que Michael Keaton, Val Kilmer, le gros là, what else? Ouais, voilà, George Clooney, Christian Bale, Adam West, il en manque un. Et Ben Affleck, le dernier. Et il en manque un encore. Il en manque encore. Ah ouais, on a fait 7 alors. Ah bah, c'est moi qui en ai oublié, c'est pas possible. Non, ils ont pas. Je vais vous donner un indice. Chez vous. Brique jaune. Ah, ouais, c'est ça. Oh putain. Super. Ça te parle comme indice, hein? C'est. Si on l'a. À quoi l'ad? Non, t'as pas le point. Bah, s'ils trouvent pas et qu'ils ont. Il faut qu'ils disent tous les. Non, ils ont pas, ils ont pas le. Ils ont non, le... Non. Bah, ils peuvent récupérer un point. Non, ah, c'est bon là. Ce jeu, les règles changent tout le temps. Bon, je. Vas-y, donne une réponse si. Non, mais ils jouent le chrono là. Vas-y, donne une réponse maintenant. Mais je sais pas, c'est bon, j'ai bon, bah ils savent pas donc ils ont pas. Vas-y, toi. C'était dans Lego Batman là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, moi non. Ouais. Ah, voilà. Eh bien, c'était, je donne la réponse. Vas-y. C'était Will Arnett. Ah oui, putain. Oui, mais c'est pas un acteur. C'est au cinéma. T'as dit un acteur. C'est au cinéma. Oui, c'est du doublage. C'est pas pareil. C'est de l'acting. Je suis pas d'accord là. C'est de l'acting. On passe à l'autre question, attention. C'était la question. Alors, ça va trop loin. Alors, du coup, ils ont deux points parce qu'ils ont trouvé le bon chiffre. La question, c'était pas qui a mis le costume de Batman. Ouais, c'était alors, au cinéma. Tu quel est le nom de cette série produite par Marvel, s'inspirant des X-Men, pour laquelle ils ont pas eu le droit d'avoir le nom de l'univers. Mutant X. Bravo. Bravo. Putain, j'ai cru qu'en fait tu leur posais la question. En fait, j'étais avec. Je pose la prochaine question. On va la prochaine question. Avant de lever la main, il faut avoir la réponse. On peut avoir des questions bonus pour avoir plus de points. Celle-ci, elle est. Enfin, elle est. Elle est compliquée. Ah. Ça veut dire que si on lève la main et qu'on n'a pas les réponses. Et si t'as pas la réponse, si tu lèves la main et que t'as pas la réponse tout de suite, tu passes à l'autre équipe. Okay. On y va, vas-y. Alors, combien de films le Marvel Ciné Universe compte jusqu'à présent en comptant Spider-Man? C'était dans les films sortis. Alors, j'ai vu. 16. Bravo. Ouais. Ah bah, il est sérieux là, il est allé sur Wikipédia avant. Ouais. C'est bien, on n'a pas vu les clins d'œil, on n'a pas vu les machins sous la table, on n'a rien vu. Nous on était en train de concer, j'étais à 3, lui dit. Alors bah, je vais passer. Alors attends. Dans Jonah Hex, on retrouve deux acteurs qui ont aussi joué dans un film tiré d'une adaptation de Marvel. Qui ça? Attends, tu peux répéter la question? Alors, dans le film Jonah Hex, donc qui est une production d'une adaptation d'une histoire d'ici, ouais. On retrouve deux acteurs qui ont participé à des adaptations Marvel. Mais qui a vu John X? Moi. John X. C'est quoi John X? C'est pas John X, c'est un cowboy. Le cowboy, il est déformé, tout ça, c'est trop dégueulasse. Ouais. Mais il en a un déjà, vas-y, donne si t'en as un. Josh Brolin. Ouais. Et le deuxième. Et je me rappelle plus, il était pourri ce film. Oui, c'était pourri. Il n'y a pas Megan Fox dedans? Oui, il y avait Megan Fox dedans, mais c'est pas la bonne réponse. Non, c'est pas la bonne réponse, mais qu'est-ce que c'est? Sinon, ils auront qu'un seul point. Mais Megan Fox, oh bah, non, elle joue dans Transformers. Fallait les deux. C'est même pas une adaptation. Hein, fallait les deux pour avoir le point. J'ai dit un point. Megan Fox, elle a joué dans Tortue Ninja, du coup, c'est une adaptation de comics, ça compte. Oui, mais là, on a dit Marvel. Ah, Marvel, oui. Putain, vas-y. Ça se fait pas, là. Attends, on a trouvé deux, en vrai. Parce que sinon, elle avait joué dans Transformers, c'est pareil. On donne un indice. Il y a Josh et Brolin, c'est deux. On donne un indice. On donne un indice, sachant qu'il y a une rapidité, si vous trouvez en premier. Vous faut comme ça, ils se partagent. Vas-y, tu donnes l'indice, parce que sinon, c'est moi qui vais m'engueuler avec le disque. Un indice métal. James Hetfield, non, c'est pas ça. Hugh Jackman. Non. Quelle idée. Fassbender. Ouais. Du coup, ils ont les deux points. Ah merde. Oh. Eh ouais. Attends, mais c'était une question à deux points. Oui, mais toutes les questions signées sont à deux points. Ah d'accord. Alors, tu fais la suivante. Ah, ça va être facile. Alors, attention. Avant de jouer Atom dans le DCverse de la CW, Brandon Routh a joué dans deux adaptations de comics. Lesquelles? Oh non, t'es dégueulasse. Alors, il y a Superman Returns. Oui. Et putain, il y a un autre truc de merde. Ah non, il est trop bien. Non, enfin, je l'ai pas vu, mais personne connaît ce truc. Si, merde. Non, mais le truc que tu penses, c'est une adaptation d'une BD italienne, donc c'est pas du comics. Ah d'accord. Ouais. Ah, je sais plus alors. Donc le deuxième truc. Bah, il y a Superman. Superman Returns et il y a un autre truc. Qui est très connu. Hein. Tu veux que je donne un indice? C'est pas le truc de Atom du coup, c'est pas. Non, ça compte pas. Ça. C'est vieux, c'est ça. Non, c'est pas vieux. C'est assez récent. Je suis sûr que. Tu veux que je donne un indice? Un indice, Superman Returns, tu vois. Un indice simple pour qu'il trouve. Ouais, vas-y. Si je dis Edgar Wright. Putain, vous êtes nuls. Putain, mais non, mais on le sait, mais c'est Batman. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Ouais, bravo. Alors, qui c'est qui avait trouvé le premier? Moi. Un point chacun du coup là. Attention! Je me suis fait toute la filmographie, je suis. Ah, mais oui! Alors, j'ai Cornetto, non? Celle-là, elle est un peu vicieuse. X-Men Day of Future Past a supprimé plusieurs films de sa ligne temporelle. Donnez-moi le nombre de films et les films. Oui. Genre, tu les as là. X-Men. Non, mais il y en a combien? Ah, il y en a 3. Non, t'as perdu. Non. Putain. 5? Ouais. Boom! Est-ce films que tu peux les X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3? Ouais. Et les deux Wolverine, le premier et l'autre qui était pourri. Mais c'était le commencement. Donc là, du coup, l'affrontement final. Donc là, du coup, il a deux points et un bonus. C'était pas les vrais noms. X-Men 6, Star Trek 8. Je pose la prochaine question. Vas-y. Alors, où j'en étais? Ah oui, c'est ça. Ryan Reynolds a joué dans combien de films issus de comics? Et vous avez un point supplémentaire si vous pouvez nommer les films. Attention. Moi, je pense que vous allez pas trouver. Qui c'est qui a levé en premier? Je sais pas. Moi, c'était moi. Alors, on me dit là. On va là. Je pense que. En fait, sincèrement, personne n'a regardé quand ils ont levé la main. Bah, j'ai envie de dire deux, mais je pense que. Non, c'est perdu. Trois, c'était. Quoi? Quatre? 4, il a raison. Qui c'est qui a dit? Ouais, vas-y. Alors, ça commence par Wolverine. Ouais. Ensuite, on a eu le magnifique Green Lantern. Ouais. Bon, il y a eu Deadpool. Ouais. Il y en a un quatrième. Et Deadpool 2. Non. Non. Oui. Blade. Ouais. Ouais, mais combien? Le combien? C'est le 3. 2. 3. Quoi? J'ai donné l'indice, c'est normal. Bon, ils ont le bonus. Ils ont le bonus et vous avez les deux. Ouais, alors 2 et 1. Il a le film qu'il a fait avec où il fait la RIPD, les Brigades Fantômes, là, c'est pas tiré d'un comics? Ah, c'est tiré d'un comics. C'est tiré d'un comics. Je savais pas. 5. Alors du coup, c'est ma faute, je ne savais pas. Ah, c'est elle qui a fait les questions. Hein, mais je ne savais pas. J'ai que pas 20 points. Adaptation de comics. Donne-lui un point aussi, donne-lui un point. Mais je suis pas sûr, ça vérifie. Mais il me semble que oui. Ouais, non, mais de toute façon, on fait 2-1. Ouais, 2-1. Ça se passe à New York, j'ai un point. Attention. C'est la merde, j'ai un point. Attention. Ah, celle-là, elle est compliquée. Non, c'est facile. Non, elle est compliquée. Je pense qu'il y a que Mathieu qui a la réponse. Peut-être Romain. Ouais, ne jouez même pas. Attention, dans The Crow, la cité des anges. Qui reprend le rôle suite au décès de Brandon Lee? C'est Vincent Pérez. Ouais, bravo, 2 points. Ah, putain. Alors je fais celle-là. J'ai même pas vu le deuxième. Alors une question peut-être un peu piège. La série The Tick est-elle une adaptation de comics ou bien une série adaptée en comics? Une série adaptée en comics. Ouais, c'est-à-dire, est-ce que c'est... Donc toi, tu réponds ça. Oui. Mais tu t'es pas compris. Donc oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez me rappeler quel podcast participent les personnes qui interrogent et la personne qui répond? Je sais même pas ce que c'est comme série. Hein. Donc deux fois. T'as pas regardé The Tick? Alors, pour info, en fait, The Tick, au départ, c'était une mascotte pour une pub qui est devenue ensuite un personnage de dessin animé, qui est ensuite devenu donc une série et un comics. Bah, laisse-le parler, c'est tout, de toute façon. Donc on en a combien du coup? Bah là, du coup, ils ont eu 2. Ouais, on en a combien? Non, on compte tout. Allez, on compte en comptage en direct. Et puis on arrive pile vers la fin. Il reste une dernière question. Il y avait une question, je l'avais pas vu. C'est quoi ça? C'est un truc à la batterie. Elle est très simple. Alors, attention. Elle est très simple. C'est la. Attends, combien du coup? 18 à 17. Ah, attention, tout va se jouer. Attention, question de rapidité. Attention, chez vous, c'est une question qui va changer votre vie. Attention. Alors, dans Batman, la série animée, qui double Batman en VF? Richard Darbois. Il a gagné. Putain, mais je le savais en plus. Ça me pète les couilles. Mais attends, donc, égalité, du coup. Bravo au gagnant qui avait un nom. Non, ils ont un point en plus. Non, deux points, c'était 2 points. Donc on en est au final à 20 à 17. 20 à 17. Et bravo à Romain et Vincent. L'équipe des quoi? L'équipe des gagnants. Bah ça va, c'était sérieux. Alors, merci d'être passé et merci pour cette. Moi, je suis pas content d'être venu là. Merci pour cette saison. Dernière fois qu'on vient ce mois-ci, tu te démerdes. Merci pour cette saison de Comics Discovery. Ça a vraiment été un super moment. Donc, on va passer en hiatus, un petit hiatus. Peut-être qu'on va vous faire des spéciales pendant le hiatus. On va en discuter tout à l'heure après l'émission. Attention, vous êtes dans les coulisses du truc. Un grand merci à Radio Campus Montpellier et Arnaud d'avoir fait cette technique. Bravo. Et merci à Radio Campus Montpellier d'accueillir tout à chaque fois ce simple petit podcast où on parlait de comics autour de bière et qui est finalement passé un peu plus professionnel. S'il vous plaît, ne réécoutez pas les vieilles émissions, elles sont vraiment nulles. Non, elles sont très très bien, elles sont très très drôles. C'est moins dirigé. Il y a plus d'engueulade. Il y a plus d'engueulade, plus de montage. Mais voilà, c'était cool quand même à faire. Merci à Mathieu d'avoir rejoint l'équipe. Ouais. À Romain, putain, mais je galère. Bon, du coup, j'ai gagné, c'est ça? En fait, on va te rebaptiser Mathieu en fait. Donc toi c'est Mathieu et toi c'est Romain, d'accord? D'accord, ouais, 20, j'ai l'équipe des gagnants. Donc merci à Romain d'avoir rejoint l'équipe. Merci à toi de m'avoir invité. Et ben c'était avec plaisir. Merci à Vincent qui va passer de temps en temps dans la saison 2. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Si, c'est un plaisir. Surtout pour leur gagner des quiz. Vincent qui est très très très très, très quiz, j'ai l'impression. Ah oui, j'adore ça. Moi, dès que je peux imposer ma supériorité sur les gens, je fais. Le jour où on va faire un dans Geek en série. Peut-être le quiz Amalgame versus Comics Discovery 2. Ouais, c'est quand tu veux. Okay. Déjà, on a gagné le précédent encore. Merci à Thomas d'être passé. Merci à toi aussi, c'était cool. Qu'est-ce qui arrive? Je suis énervé là, ok. Est-ce que vous allez faire quelque chose pendant ce mois d'août? Vous avez prévu de faire des trucs un peu geek? Il y a des films que vous attendez ou un comic que vous avez envie de lire? Valériane? par principe. Tu vas vraiment aller voir Valérian ? Bien sûr, Cocorico, par principe déjà. Et puis le troisième, Planète des Singes, ouais. Ça va tout péter. Ça a l'air vachement bien. Après, j'ai une pile de comics à lire et trucs de ouf, je m'en sortirai jamais. Ok, Romain, t'avais non ? Bah, j'ai la Planète des Singes de ouais, prévu. Ouais, comme tout le monde, je crois. Voilà. Tous les gens de bon goût. Oh là là. Et je n'irai pas voir Valérian, parce ouais, qu'il faut, faut avoir des priorités dans la vie. Ouais. Vincent, un petit dernier mot Bah, Defenders qui va sortir. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai hâte de voir Defenders. Mm-hmm. Ouais, bah, il en faut pour tous les goûts, je suppose. Moi, je m'en fous, mais alors, niveau. Et Thomas, un petit truc Du Rebirth, je vais dire beaucoup de Rebirth. Tu vas réviser. Non, c'est fini, c'est moi, j'ai le d'ailleurs, le est-ce que tu as eu ton bac, finalement? Oui, et je tiens à dire que j'ai eu mon bac au rattrapage. Ah, bravo. Non, mais c'était la guerre, c'était fou. En fait, spoiler, ça sert à rien le bac, hein, vas-y. Non, mais je tiens à dire, pour tous ceux qui ont passé le rattrapage, je sais que ça a été difficile, et voilà, on l'a eu maintenant, et bravo à tous. Ok, bah on va vous laisser, vous êtes avec une chanson choisie parfaite. Moi, il m'a même pas dit merci, il m'a même pas demandé merci, ce que je faisais. Merci, elle est toujours là, Faye, elle est cool. Quoi. C'est la meilleure, écoutez Coyote Geek en série. L'HQ. Ouais. Donc c'est toi qui as choisi la musique, oui. Donc c'est pour ça que je te remercie pas, t'as choisi. Oui, parce que c'est une chanson des Gardiens Galaxies, quand c'est au ralenti, qu'il y a Kurt Russell qui marche au ralenti, c'est magnifique. D'accord, voilà. C'est The Chain de Fleetwood Mac, je crois. Oui, c'est ça. Et ben on vous laisse, on vous donne rendez-vous en septembre, et à la prochaine. Bye bye. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Salut.